voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Marc et Lottie font partie de ces êtres en transition. Ils ont fait des choix de vie qui semblent être évidents. Ce couple rayonne de simplicité dans leur quotidien. Dans la première partie de l'émission La Voix du Kaizen, allons dans le Gers à leur rencontre. Alors c'est un peu rigolo et un peu improbable pour vous rencontrer, pour vous trouver, parce qu'on peut pas vous téléphoner pour vous dire qu'on arrive. Donc la seule solution c'est d'arriver comme ça à l'improviste. Alors je suis passé à la Biocop de Hoche pour demander l'herbe à l'aise c'est où. Alors ils m'ont tendu un paquet qu'ils ont pris du rayon avec une adresse, ils m'ont dit c'est là. J'ai dit ok, est-ce qu'on peut les appeler? On m'a dit bah non, faut y aller. Et apparemment vous y allez quand même vous aussi de temps en temps à Hoche, mais en vélo, oui. C'est ça? Oui. On a une petite remorque qu'on met derrière le vélo et puis après on y va. Ouais. Une fois c'est Lottie, une fois c'est moi, tous les 3-4 semaines, on y va. Avec les produits qui sont faits ici, là, dans le jardin. Ouais, qui sont produits chez nous, et voilà. Et après, on les embarque dans la petite remorque. Bon, alors on va revenir à l'origine. Donc, Lottie, toi, tu es suisse. Oui. Marc, tu es suisse aussi. Ah oui? Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi vous êtes là? Mais parce qu'on avait envie de nous installer quelque part. On avait envie d'avoir des terres à nous, un chez nous. Et c'est difficile en Suisse. Parce que tout est très cher. Et puis aussi, parce que la France nous a toujours plu. Ça nous a toujours attiré, la culture française. On se sentait toujours proche de la France. Ce qui est intéressant pour les Suisses, c'est de gagner des sous en Suisse et puis après aller ailleurs. Non, mais nous, déjà, c'est vraiment... Les différences étaient très, très, très importantes. Si on compare une maison achetée en Suisse et ici, en plus, c'était il y a 18 ans. Et c'était une région ici où on trouvait facilement des maisons parce que... Il y avait beaucoup de gens qui partaient de la campagne pour rejoindre les villes. Donc, il y avait beaucoup de maisons à vendre. On avait le choix et c'était vraiment pas cher. Et une différence aussi, c'est qu'ici, on trouvait des maisons qui étaient à retaper, qui étaient presque en ruine ou qui n'étaient pas vraiment en état. Et en Suisse, c'est très, très difficile de trouver ce genre de maisons. Soit c'est refait et puis après, c'est vendu très, très cher ou... Ouais. Donc au début, on va vraiment revenir 18 ans en arrière. Donc là, il y a cette envie de quoi finalement d'ailleurs, de construire, d'acheter, de trouver un terrain pour développer un projet de plante. Non, en fait, nous, notre projet, c'était vraiment de trouver un lieu de vie où on est bien, qui est sain, où il y a un bois pas loin, où il y a de l'eau, qui n'est pas au bord de la route. C'était vraiment ça l'important. Et puis, on se fiche un peu de la qualité de la terre, où on s'est dit, mais quand on y sera, on verra comment on va gagner l'argent. Quoi. Et comment est-ce qu'on arrive ici? Donc, on est venu dans le Gers en train, et on a planté notre tente dans un petit bois, et on a fait très classique, toutes les agences immobilières, hein, jour par jour. Et il y avait quand même encore un peu des choses à visiter à l'époque. Et alors, 18 ans en arrière, faire le choix de ne pas prendre de voiture. Pourquoi? Qui d'ailleurs est toujours un choix actuel aujourd'hui. Déjà, premièrement, pour l'environnement. Et parce qu'on trouve que c'est plus logique de prendre des transports publics, s'il y en a. Et puis aussi pour la simplicité, parce que tout ce que tu dépenses pas, t'es pas obligé de le gagner non plus. Donc il y avait aussi cette envie de vivre simplement, sans gagner de l'argent, c'est quelque chose qui était présent il y a 18 ans. Oui, beaucoup, ouais. Aussi pour une liberté, parce qu'on est beaucoup plus libre s'il y en a moins de besoins. Tu peux me raconter pourquoi? C'est vrai qu'on m'a dit la vraie richesse c'est d'être pauvre, j'ai entendu ça sur mon itinéraire. Mais parce que si on a besoin de peu de choses, on a besoin de gagner moins, de travailler moins. Si j'achète par exemple jamais de la purée d'amande, et puis après je vais m'acheter un bocal de purée d'amande, c'est un bonheur. Alors que si je m'achète toute l'année, et après, pour augmenter mon standard, tu vois, il faut toujours aller plus haut dans l'échelle. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je vois ce que tu veux dire. Donc j'ai bien compris aussi, le bonheur, c'est un pot de purée d'amande, c'est ça? Non, là, on en achète plus régulièrement. Mais... Au début, on s'en est jamais acheté. Alors, c'est quoi? Je vais me tourner vers Marc. C'est quoi le bonheur? Moi, je trouve, par exemple, d'avoir un lieu qui correspond à ce qu'on aime. Par exemple, aussi un lieu tranquille, où il y a de l'espace. Et puis, la liberté, beaucoup la liberté. Et c'est ce qu'on cherchait, je crois, aussi, de pouvoir gérer notre temps comme on le veut, de travailler, par exemple, l'hiver un petit peu moins, le printemps, on a de l'énergie, on travaille un peu plus, et puis d'être son propre chef. Ça, c'est sympa. La liberté, avoir du temps. Alors, c'est quoi le temps? Quelle est ta notion, ta définition du temps? Est-ce que le temps, c'est de l'argent? C'est ce qu'on entend beaucoup? Non, non, non, non. Quand je parle du temps, non, je n'y pense pas. Je pense pas à l'argent. Je pense à pouvoir suivre son rythme. Ouais, parce qu'il y a des journées où on a vraiment la pêche et on a envie d'avancer. Et après, il y a des journées où un peu moins. Et donc, du coup, si on peut s'écouter, pour moi, c'est vraiment c'est un luxe. Mais pourquoi avoir fait le choix de vivre de cette manière-là, donc sans être dans cette course effrénée à gagner plus, produire plus? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de ne pas suivre le modèle plus ou moins imposé? Il y a plusieurs choses. Je pense quelque chose qui nous a inspiré, c'était un séjour qu'on a fait en Colombie et en Équateur. Pendant un an, on était là-bas, on a toujours travaillé là-bas. Et on a vu la simplicité, il se complique beaucoup moins la vie, parce que déjà, ils n'ont pas autant de choix que nous. Et donc, ils font avec ce qu'ils ont, et le rythme est déjà moins élevé. Je pense que ça nous a inspiré un petit peu. Et puis après, c'était depuis longtemps qu'on cherchait une vie avec... un autre rythme, un peu plus près de la nature aussi. Sûrement aussi le climat, parce que la façon comme on vit, on coupe le bois à la main et on essaie de manger des légumes frais toute l'année et tout. C'est sûr que dans ce climat-là, c'est plus simple qu'en Suisse, par exemple. Ça aussi, c'est une question qu'il faut qu'on aborde. Votre rythme sur l'année, c'est qui peut me parler un petit peu? Comment est-ce que tu organises, comment est-ce que vous organisez votre temps sur une année et après sur une journée? Notre temps, il dépend beaucoup des saisons et on aime beaucoup, beaucoup ça, d'être dans ce rythme des saisons. Ça veut dire qu'en hiver, on est un peu ralenti. On a des choses à faire, mais on est vraiment au ralenti un peu. Et les journées sont courtes, on travaille que à la lumière du jour, on ne travaille jamais à la lumière de bougie. Il n'y a pas d'électricité? Non, il n'y a pas d'électricité. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Et plus les jours se rallongent, plus on a du travail, plus la nature travaille, et plus nous aussi. Et j'aime beaucoup ça, cette liaison. Le soleil rythme complètement vos journées, parce qu'il n'y a pas de lumière, en fait. Vous n'êtes même pas dans une démarche de vouloir produire votre énergie. Vous avez fait le choix de ne pas en avoir du tout. On a des bougies. Et pourquoi ne pas mettre... Ça, c'est intéressant, parce que la plupart des gens que je rencontre sont toujours dans une recherche d'autonomie, mais j'aurais souvent sur le toit soit une éolienne, soit un panneau photovoltaïque, soit un panneau thermique pour faire chauffer de l'eau. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, je pense de ne pas avoir l'électricité. Ça oblige, par exemple, de s'organiser différemment. Ça veut dire quand la journée se termine, quand il n'y a plus la lumière du soleil, il n'y a plus de lumière vraiment efficace pour pouvoir travailler. Donc ça oblige un petit peu à finir. Et c'est bien, parfois il faut se donner des limites ou se créer des limites naturelles, par exemple, pour pas toujours vouloir aller plus loin, parce que parfois c'est embêtant. On n'a pas fini et il n'y a plus de lumière, mais bon. On peut plus. Et on aimerait continuer. Et si on avait la lumière, on continuera. Mais si on n'en a pas, on s'arrête. C'est des bonnes limites. Ça fait beaucoup de bien d'avoir ce rythme-là, je trouve. Ça fait beaucoup de bien et puis on est content à chaque saison qu'on arrive. On a peut-être ça en ville aussi, mais quand l'été arrive, on est très content, et quand l'automne arrive aussi, et puis l'hiver aussi. Chaque saison est la bienvenue. C'est ouais. Génial. Donc chez vous, la question, par exemple, que je pose aux gens de la télé, ben, elle n'existe même pas, cette question. Ce serait juste pas possible de faire le choix d'en avoir une. Non, non, non. Vu qu'on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas de panneau, on n'a rien du tout. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Et du coup, ça... Je pense que c'est comme un peu un calme de ne pas avoir toutes ces possibilités. Donc du coup... Si on a la musique, par exemple, j'adore la musique, mais on ne peut pas en écouter comme ça. Et du coup, je ne sais pas, moi j'apprécie autant plus après d'aller voir un concert d'en jouer moi-même. Et si on avait la musique en permanence ici, je pense que ça perdrait un petit peu, même si j'aime beaucoup la musique, mais ouais. Pas la même chose. En fait, c'est peut-être ça finalement le bonheur, c'est de limiter ses besoins et de savoir apprécier. Ouais, tout à fait, ouais. Moi je pense de pas toujours avoir tout, ça peut devenir une richesse quelque part, parce qu'après on apprécie vraiment énormément les choses quand ils arrivent ou quand on a l'occasion de les avoir, ouais. Ok, donc effectivement, ici, vous n'avez pas tout, mais alors qu'est-ce que vous avez? Si tu devais lister ce qui, pour toi, est important, essentiel dans ce que vous avez, là, dans votre vie. Mais déjà, on a beaucoup de silence, beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. On est quand même très libre et on peut quand même beaucoup travailler à notre rythme. Comment est-ce que vous occupez ce temps? Donc, le temps que tu ne passes pas dans le jardin. Comment est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre, de votre temps libre? Moi, je lis beaucoup, et puis j'aime beaucoup passer du temps dehors aussi, à observer des plantes ou aller dans la forêt. Et toi, Marc? Quand je disais aussi qu'on a beaucoup de temps, pour moi, c'est aussi pas seulement d'avoir du temps libre à lire, à faire la musique, par exemple. Moi, j'aime bien aussi faire la musique. C'est pas forcément que à ça que j'ai pensé, c'est aussi d'avoir le temps de faire mon travail dans le rythme que je veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très important. D'aller vraiment à mon rythme, de faire les choses. Donc finalement, on n'est pas souvent pendant la journée, on travaille finalement, on travaille beaucoup comme tout le monde, enfin tous les jours, mais à un rythme qui est vraiment très très chouette, qui est très sympa pour moi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Le travail, il se compose de deux choses. On a donc un travail qui nous permet de gagner de l'argent, donc avec les herbes aromatiques, et un autre travail qui nous permet de produire tous les légumes, tous les fruits qu'on mange dans l'année. Et par exemple, le temps de pouvoir laver le linge à la main, de pouvoir se faire des conserves, de faire le pain soi-même. Et tout ça, ça demande du temps qu'on a, parce qu'on n'a pas besoin de travailler 100% pour gagner de l'argent. Et par exemple, on n'a pas de téléphone ici. Donc, pour téléphoner, on va au village. Et ça veut dire, c'est 3 km l'aller, 3 km retour. Parfois, il faut attendre là-bas parce qu'ils disent « Ah oui, vous pouvez nous rappeler ». Et donc, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ce temps-là qu'on a parce qu'on n'est pas obligé de... On pourrait se dire « Ça prend trop de temps pour livrer les magasins en vélo ». Mais si tu comptes... Par exemple, ce que te coûte une voiture, avec ces sous que tu dois gagner pendant ce temps, tu as largement le temps pour prendre le vélo et d'aller livrer en vélo. Donc tu peux prendre quelque part, tu peux compter faire du vélo comme du travail. Et à ce moment, si tu le vois comme ça, c'est un travail très agréable, faire du vélo. Mais il n'y a pas un moment où vous êtes posé la question, bon allez, ok, on va se prendre un téléphone, ou bon, ok, on va mettre un panneau solaire, ou c'est des discussions que vous avez entre vous, ou pas du tout, parce que vous estimez que ce n'est pas un besoin que vous avez envie de vous créer? Le téléphone, si, parce que pendant 3 ans, la cabine était en panne. Donc, pendant 3 ans, on ne savait plus jamais trop si on nous disait qu'elle allait être réparée. Mais du coup, il fallait aller appeler chez des voisins avec notre carte téléphone, bien sûr. Mais et puis, au bout d'un moment, ça commençait à peser et on s'est dit, mais là, on n'a plus trop de patience. Et puis, hop, un jour, il y aura de la la cabine était réparée, donc c'est bon. Mais ça, je pense que ça sent un petit peu la fin quand même. La cabine, ça sent un peu la fin. C'est vrai qu'elles ont toutes disparu en France, hein. C'est encore très rare les villages où on en a une. Ils l'ont refait, parce qu'à un moment, ils refaisaient la place dans le village. Donc, ils ont enlevé l'ancienne cabine et ils l'ont remis un peu pour nous. Des fois, on s'est dit, c'est notre petit salon là-bas, on pourrait y laisser notre carnet d'adresse et tout, il n'y a personne qui y va. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Ensuite, ça c'est ouais, l'alimentation, tu disais avant, donc le temps c'est aussi prendre le temps de faire son pain, prendre le temps de produire ses légumes. Vous êtes dans cette démarche d'essayer de trouver l'autonomie alimentaire? Au début, c'était vraiment important pour nous. C'était un peu un rêve qu'on fasse vraiment presque la totalité de la nourriture. Et petit à petit, on a vu les limites un petit peu. Parce que pendant un moment, on faisait une partie du blé aussi. Et bon. Après, on a fait l'expérience que certaines choses font pas trop de sens. Enfin, ça demande énormément de temps. Par exemple, le blé, ça prend vraiment. Si on fait tout à la main, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, du coup, on Coupe le a. blé pour faire sa farine, pour pouvoir après faire son pain. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, du coup, avec le temps, on a vu ce qui était plus facile à faire. Et donc, en légumes et en fruits, on est autonome pour toute l'année. Et le reste, ce qu'on doit acheter, on essaye de l'acheter vraiment dans la région. Autour de nous, souvent, on connaît les agriculteurs qui le produisent. Par exemple, on a des amis qui font du blé, qui sont pas loin d'ici. Donc, ils nous livrent la farine. On a quelqu'un qui nous livre l'huile pour toute l'année. Donc, du coup, ce qui reste à acheter, c'est vraiment tout. Tout ce qu'on achète, on peut le stocker. C'est du riz, des pâtes, tout ça, on peut le stocker. Et du coup, on n'est pas obligé de faire des courses très souvent. On mange vraiment très très simplement. On n'achète pas de beurre, pas de yaourt. On n'achète pas de produits transformés. Qui fait aussi un peu parce qu'on mange que bio et on dépense peut-être 150 euros par mois pour la bouffe. Donc on mange vraiment À 4. à 4 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vraiment l'impression que chez vous, c'est juste spontané, naturel. Vous n'êtes pas dans enfin, c'est pourquoi pas prendre de temps en temps du chocolat ou une glace? C'est un besoin qui n'existe pas ou... Mais ça nous arrive d'acheter une glace. Et puis il faut la manger tout de suite. C'est vrai, il n'y a pas de frigo. Comment vous faites pour l'eau? On a pour boire et pour faire à manger, on a l'eau du puits qu'on filtre et qui est potable après. Et puis après, on a un ruisseau. Et cette eau, on la monte avec une pompe solaire, si là on a un peu de solaire. Qu'on monte avec une pompe de solaire, pompe solaire pour alimenter la maison et le jardin, pour arroser. Et pour chauffer l'eau? On a un chauffe-eau solaire. Sinon, en hiver, on chauffe l'eau sur le poêle. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.